Ah. jaune, comme qui s'angoisse. Koyeba Timba, 13 prod, jeune producteur, Santos Bipoku, général, 5 estrellas. Freddy Le Kasoko, ah, Ubuli Yondela, le boss Gauss TV multimillionnaire en dollars, Mobalia, Fatou La Blanche, très très fort, le DT Amila. Bana Lukapa, Nadunda Nord, c'est tout là, le DT Amila, mais Mélibiso, en verse, la Lukapa, Bapri, Amote, Mamalado, ah, Gauss TV, général, 5 estrellas. Ah, vous voulez y aller là. Chambouille Jean, papa, n'a Jean Céline.